Donc c'est un plaisir pour moi d'intervenir dans ce séminaire qui est tout à fait passionnant et auquel j'ai malheureusement pas pu assister de façon régulière du fait des chocs, disons, d'agenda dans une institution comme la DARES où je travaille, donc service des études et de la recherche du ministère du Travail. Moi je suis responsable des enquêtes sur les conditions de travail et la santé au travail dans cette maison, et notamment responsable de l'enquête risques psychosociaux au travail, dont je dirai deux mots tout à l'heure, mais donc avec forcément un rythme de production d'enquête et de statistiques qui impose parfois des contraintes qui ne sont pas forcément propices à prendre du recul et à participer à des séminaires de recherche. Donc je suis très content d'avoir pu dégager un petit peu de temps pour préparer cette séance et vous faire l'exposé qui va suivre. Donc c'est pas du tout un exposé c'est pas du tout un travail achevé, c'est une réflexion en cours. C'est plus, disons, un exposé visant à situer quelques controverses et peut-être à les aiguiser un peu pour faciliter la réflexion et puis éventuellement des travaux ultérieurs quand j'aurai un peu plus de temps. Il paraît qu'après la retraite, on a plus de temps. Hein. Alors, donc j'essaie de retracer un peu l'histoire récente de cette catégorie que j'ai appelée scientifico-politique, des risques psychosociaux, en commençant par un rapide regard rétrospectif sur l'histoire des RPS. Où je distinguerai quatre périodes. Une première période dans les années 90 d'hésitation, de controverses autour de différents termes, souffrance, harcèlement, stress. L'affirmation à la fin des années 90 et au début des années 2000 d'une problématique centrée sur le stress au travail. Et à la fin des années 90, pour des raisons que j'essaierai de montrer, l'émergence du concept de risques psychosociaux, rapidement supplanté par la QVT, donc la qualité de vie au travail, qui est aujourd'hui l'approche dominante dans la discussion, dans le débat sur le travail et sur les politiques du travail. Alors, peut-être rappeler un fait stylisé caractéristique des débats sur le travail, c'est leur caractère contracyclique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand la situation économique, quand le chômage est bas, on parle des conditions de travail, et puis quand le chômage augmente, on ne parle plus que de l'emploi. Hein, c'est pour aller vite, hein, pour synthétiser un peu le. Mais c'est vraiment marquant. Alors donc, le débat sur le travail a connu vraiment son apogée en France, on peut dire, dans l'après 68, au moment de ce qu'on appelait la crise du taylorisme, la révolte des OS, la mise en cause donc de la division, de la partialisation des tâches. La création de l'ANAC, l'Agence nationale pour les conditions de travail, en 1973. La création du secrétariat d'État au travail manuel. Je ne me souviens pas de ça, évidemment, pour les jeunes, mais Giscard, en 1974, quand il a été élu, a créé le secrétariat d'État à l'amélioration du travail manuel. C'était Stoléru, le secrétaire d'État. Bon, donc c'était toute une problématique à l'époque de la crise du taylorisme. Qui a donné lieu d'ailleurs à la commande par l'État d'une enquête sur les conditions de travail qui a commencé dont la première édition a eu lieu en 78, mais dont la préparation a commencé dès 74-75. Ensuite, avec le tournant de la crise, entre guillemets, à partir de 74, le débat sur le travail disparaît. Donc les enquêtes conditions de travail se développe, par exemple, au ministère du Travail. Il y a eu les enquêtes 78, 84, 91, 98, les enquêtes sur l'organisation du travail aussi en 87 et 93. Mais le débat public sur la question du travail a quasiment disparu. Ça revient, le débat sur le travail revient à la fin des années 80, à la fin des années 80, début des années 90. C'est notamment Martine Aubry qui lance un grand chantier sous le nom de Changer le travail avec Jean Gandois, donc une partie du patronat progressiste autour de l'idée que on était à la fin d'une période de reprise économique à la fin des années 80 et on commençait à voir déjà les premiers effets des des réformes, des réorganisations du travail, et aussi l'idée qu'il pouvait y avoir des, si la croissance économique reprenait, il pourrait y avoir des pénuries de main-d'œuvre, des tensions sur le marché du travail, et donc il fallait améliorer les conditions de travail. Et puis rapidement, on retombe dans une période de crise en 93-94, et à ce moment-là, le chômage augmente à nouveau, et de nouveau, la question du travail disparaît, et c'est la question de la réduction du temps de travail qui émerge comme outil de partage du travail pour créer des emplois, mais la question des conditions de travail est complètement ignorée dans le débat sur la réduction du temps de travail. Et puis, à partir de 1998, nouvelle reprise économique et généralisation du débat, je vais revenir sur la souffrance au travail et le stress. Donc vraiment ce caractère cyclique. Et alors, 2008, c'est c'est la crise financière, donc c'est à nouveau une augmentation forte du chômage, une crise qui dure encore, hein, donc un chômage de masse qui se réinstalle de façon durable. On aurait pu s'attendre à ce que la question du travail disparaisse à nouveau. Ça n'a pas été le cas, et ça, c'est... il y a eu une exception, on va dire une exception historique à la règle de la cyclicité du débat sur le travail, mais on va voir que c'est peut-être une exception seulement provisoire. Donc, très rapidement sur le débat des années 90, alors j'ai pris comme date 90 parce que j'ai retrouvé dans un article de Pascal-Marie Chalard la trace des premières interventions de Christophe Dejour à EDF, à la demande du CHSCT d'EDF sur la question de la souffrance psychique. Alors, certainement, Philippe ou Bernard auront d'autres antécédents à nous proposer, mais voilà, c'était peut-être une des premières interventions notables sur la question de la souffrance psychique dans le paysage français. Et puis évidemment, à la fin des années 90, l'explosion du débat autour de deux bouquins, le bouquin de Marie-France Rigoyenne sur le harcèlement oral et le bouquin de Christophe Dejour sur la souffrance en France. Et donc à cette époque-là, à la fin des années 90, on a un déferlement, notamment dans la presse, dans la radio, à la télévision, dans les magazines, de reportages sur le stress, la souffrance au travail, le burn-out, le harcèlement, etc. Et en 2002, ça culmine avec une loi contre le harcèlement moral au travail, définie comme, je reprends la définition de la loi, des agissements répétés qui ont pour effet une forte dégradation des conditions de travail qui portent atteinte aux droits et à la dignité du salarié, ou altère sa santé physique ou mentale, ou compromet son avenir professionnel. Ça, c'est... Donc on est sur une approche centrée sur les situations individuelles, une approche individualisée qui analyse la souffrance au travail de façon dominante, bien sûr. Alors, c'est pas l'approche de Christophe Dejour, mais l'approche qui politiquement et médiatiquement domine dans le débat et qui juridiquement se traduit par cette loi sur le harcèlement moral. C'est une approche individualisante où on s'attaque à des situations interindividuelles, hein, et on essaie de pénaliser des comportements individuels, des comportements de harceleurs. Le stress s'impose... Attendez, il me manque une diapo, là. Bon, j'avais une diapo sur le stress, elle a sauté. Dans ma présentation, oui, j'ai pas répété, donc c'est pas bon. Il manquait une diapo sur du harcèlement au stress. Dans les années 80, au début des années 2000, c'est la problématique du stress qui commence à prendre le dessus sur celle du harcèlement, parce qu'on se rend compte évidemment que la problématique inter-individuelle n'est pas suffisante pour s'attaquer aux problèmes posé par la souffrance au travail, et donc la mise en avant de la notion de stress vise quand même à dépasser cette approche purement interindividuelle et à mettre davantage en cause le fonctionnement de l'entreprise et l'organisation du travail. Mais ça reste quand même, le stress reste perçu comme la situation d'un individu. Vous avez une définition du stress dans l'accord cadre européen en 2004, un accord entre partenaires sociaux au niveau européen. Le stress, donc, c'est un état de plainte ou de dysfonctionnement physique, psychologique ou sociaux, et le stress résulte du fait que les individus se sentent inaptes à combler un écart avec les exigences ou les attentes les concernant. Donc le stress, c'est un, c'est quand même une question d'individus. Les individus se sentent inaptes à combler un écart entre un écart avec les exigences qui les concernent. On retrouve cette définition du stress comme une situation où l'individu ne peut pas faire face aux exigences n'a pas les moyens de faire face aux exigences de sa tâche, dans l'accord sur le stress je crois en 2007 ou 2008 passé en France. En même temps, la problématique en termes de risques psychosociaux commence aussi à émerger dans les années 2000, mais elle reste largement enserrée dans cette approche du stress. Hein. Et un exemple, c'est le rapport Nas-Légeron, publié en 2008, sur la détermination, la mesure et le suivi des risques psychosociaux au travail. Donc il y avait une demande du ministre du Travail à ces deux personnalités, donc un inspecteur de l'INSEE et un psychiatre dirigeant d'un cabinet de consultants, de faire un rapport pour savoir comment mesurer et suivre les risques psychosociaux. Donc la commande était formulée en termes de risques psychosociaux, la commande officielle, mais la réponse de ces deux personnalités, c'était de dire le stress, c'est le premier risque psychosocial. Et il faut construire un indicateur de stress, un indicateur unique de stress qui condenserait, dans l'idée de ces deux personnalités, qui condenserait à la fois les mesures des expositions et de la santé. Un indicateur unique qui rassemblerait, qui synthétiserait une mesure des expositions au stress et de leur impact sur la santé, mentale. Donc on est toujours dans une problématique, même si les risques psychosociaux commencent à être évoqués, on est toujours dans une problématique centrée sur la question du stress, avec cette idée d'un indicateur global qui permettrait... alors d'ailleurs, il y a dans ce rapport des formules assez amusantes sur le thème. Le stress, les risques psychosociaux, tout ça, c'est très polémique, c'est très controversé. Ça va être difficile de mettre tout le monde d'accord sur une définition. Donc il faut créer un indicateur, il faut mesurer... avant d'expliquer. Donc on va mesurer et ensuite on pourra peut-être expliquer. Comme si on pouvait mesurer quelque chose sans avoir un minimum de théorie de ce qu'on veut mesurer. Et puis immédiatement après la remise de ce rapport en 2008, la faillite de Lehman Brothers et la crise financière et l'explosion du chômage à partir de 2009-2010. Le chômage gagne 3 ou 4 points. Mais pour autant, on n'a pas assisté tout de suite à l'occultation de la question du travail. Hein, et on peut dire que la machine qui a été lancée a continué sur sa lancée pendant encore quelques années. Et donc, c'est la diapo que j'avais intitulée « Du stress aux risques psychosociaux ». Et probablement l'événement majeur pour expliquer cette persistance du débat sur le travail après le début de la crise, après la crise financière et le début de la remontée du chômage, c'est l'épisode dramatique des suicides à France Télécom, donc la mode des suicides, entre guillemets, comme l'a qualifié le dirigeant, le PDG de France Télécom à l'époque, Didier Lombard, une déclaration célèbre en disant « cette mode des suicides, ça commence à bien faire », ce qui n'a pas été pour rien d'ailleurs dans son limogeage par le gouvernement. On pourrait revenir dans la discussion sur cet épisode de la crise politique provoquée par l'épidémie de suicide à France Télécom. Il y a une controverse scientifique pour savoir si vraiment il y a eu une épidémie de suicide particulière à cette époque-là à France Télécom, ou bien si c'était un phénomène finalement assez récurrent dans cette entreprise, mais que les syndicats ont réussi à faire émerger comme problème politique grâce à la création d'un observatoire du stress et des mobilités forcées, oui, c'est ça, qui s'est donné comme objectif justement de créer le débat autour du stress. Hein, d'ailleurs, l'observatoire du stress, hein, c'était la façon dont c'était formulé, et cet effort systématique de médiatisation par les syndicats Sud et CGC. Des suicides à France Télécom, médiatisation qui d'ailleurs a provoqué des débats internes, hein, au syndicat, parce que c'était une chose qui n'était pas évidente du point de vue syndical. Voilà, en tout cas, le résultat, c'était effectivement un scandale politico-médiatique de grande ampleur qui a polarisé le débat sur le travail de façon très forte en 2009, enfin, au cours de l'année 2009, en gros. Et du coup, en résulte une série d'initiatives importantes, comme la rédaction par Lachmann, Larose et Pénicaud, j'y reviendrai. Donc, ce sont deux dirigeants d'entreprise, hein, Schneider Electric et Danone. Et puis Larose, c'est un syndicaliste CGT qui était au Conseil économique, social et environnemental, donc qui ont publié, enfin, rédigé et publié un rapport sur bien-être et efficacité au travail. 10 propositions pour améliorer la santé psychologique au travail. Je reviendrai sur ce rapport qui est assez significatif de l'état d'esprit de ce moment particulier lié à la crise des suicides à France Télécom. Le plan d'Arcos en 2011 contre les risques psychosociaux au travail, avec notamment l'obligation de négocier dans une entreprise de plus de 1000 salariés, de négocier des plans de prévention des risques psychosociaux. Et puis, en 2011, la publication du rapport Golac-Baudier, ce rapport du Collège d'expertise sur le suivi statistique des risques psychosociaux au travail, rapport intitulé « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail hein, ». Le titre est significatif, ce n'est pas les risques psychosociaux, j'y reviendrai aussi, c'est les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser. Bon, ça, c'est, on peut dire, les faits marquants, de mon point de vue en tout cas, de cette période d'institutionnalisation des risques psychosociaux comme principal langage des politiques publiques sur le travail à ce moment-là. Je dirais que cet apogée des risques psychosociaux résulte de trois courants, alors, au-delà de, évidemment du substrat qui est la crise la crise politique et médiatique autour de la souffrance au travail et de l'épisode particulièrement aigu des suicides à France Télécom. Ça, c'est le substrat, disons, social hein, de cette émergence des risques psychosociaux. Mais je dirais que c'est la cristallisation sur la catégorie risques psychosociaux, elle résulte de la confluence d'un travail d'expertise scientifique, d'un travail d'innovation jurisprudentielle et de l'institutionnalisation par les politiques publiques. Donc le travail scientifique, bon, peut-être un de ces moments forts, ça a été ce rapport Golac-Baudier sur les facteurs psychosociaux de risque, qui pour la première fois propose une définition précise, parce que jusqu'alors, les risques psychosociaux étaient une catégorie extrêmement fourre-tout, et en gros, c'était, quand on parlait de risques psychosociaux, on disait « Ah bah c'est le stress, le harcèlement, la violence morale », et on mettait une espèce d'inventaire, à la Prévert, où on mélangeait des facteurs de risque et des atteintes à la santé déjà constituées, burn-out, etc. Donc, il n'y avait pas une définition stabilisée, consensuelle des risques psychosociaux. Donc, peut-être, il y avait même une très très grande confusion autour de ce terme, qui continue d'ailleurs, qui persiste dans certaines sphères, mais qui a quand même été assez réduite par ce travail d'élucidation conceptuelle. Donc là, la définition proposée par proposée par le collège d'expertise. Un travail aussi d'explicitation des fondements scientifiques du concept dans diverses disciplines, avec donc le rapport à nouveau le rapport du collège d'expertise qui mobilise l'ergonomie, la psychologie, la sociologie, l'économie. La médecine du travail pour explorer les fondements dans les différentes disciplines de ce concept. Et puis, en même temps, un travail du côté de la jurisprudence à partir d'un arrêt de 2002, je crois, sur l'obligation de sécurité résultat, donc qui institue le fait que les entreprises, les employeurs doivent non seulement mettre en place des mesures de protection de la santé pour les travailleurs, mais doivent prévenir effectivement les atteintes à la santé. Ils ne peuvent pas simplement se prévaloir du fait qu'ils ont mis en place des mesures de prévention, mais ces mesures de prévention doivent être efficaces et effectives et prévenir effectivement les morts. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 novembre 2009 extrêmement important, généralise la notion de harcèlement moral qui jusqu'alors était réservée à des atteintes liées à des individus, donc à des atteintes causées par des individus, donc mettaient en cause des personnes. Elle généralise, la Cour de cassation, la notion, le concept de harcèlement moral en permettant l'incrimination de méthodes de gestion. Donc là, il ne s'agit plus d'individus qui sont pervers et malfaisants, il s'agit de méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique. Évidemment, il y a un supérieur hiérarchique, mais ce qui est important, c'est les méthodes de gestion qui peuvent se manifester pour un salarié déterminé. Et alors, là, la Cour de cassation reprend la terminologie de la loi de 2002 en disant par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation, etc. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le harcèlement managérial dans la jurisprudence. On a vraiment le passage d'une approche individualisante et culpabilisante des individus à une approche qui met en cause l'organisation de l'entreprise et les méthodes de gestion de l'entreprise elle-même. En même temps, des institutions de prévention comme l'ANAC, l'INRS et d'autres multiplient les productions, les brochures, les fascicules, les plans d'aide aux entreprises pour déceler et prévenir les risques psychosociaux au travail. Donc on a une multiplication de la production de littérature des organismes de prévention autour des risques psychosociaux au travail. Un des apports de mon point de vue de la problématique en termes de risques psychosociaux, c'est la légitimation dans le débat public de catégories que j'ai appelées critiques, c'est-à-dire de catégories de risques pour la santé qui jusqu'alors n'étaient pas du tout reconnues institutionnellement, politiquement, comme pouvant représenter des risques pour la santé. Je reprends les six dimensions proposées par le rapport Golac, cette catégorisation proposée par le rapport Golac est devenue une espèce d'institution sociale maintenant, tous les rapports officiels, y compris les documents produits par le patronat sur les risques psychosociaux, se réfèrent à cette catégorisation. Donc, il y a eu un effet, la parole scientifique a eu un effet social, juridique et social, d'institutionnalisation d'une catégorisation des risques psychosociaux extrêmement forte, légitimation très forte. Et parmi ces six dimensions, alors il y en a qui sont assez classiques dans la littérature sur le stress, depuis les années 70, les exigences du travail, l'intensité du travail, les marges de manœuvre, le soutien social, ça c'est des dimensions traditionnelles des modèles épidémiologiques du stress, ou de la tension au travail, j'y reviendrai. Les deux dernières catégories, les conflits éthiques, qui renvoient donc à la question du travail empêché, à la question de l'impossibilité de faire un travail de qualité, à la question des conflits sur la qualité, les conflits sur les conceptions de la qualité entre les travailleurs et la direction, ou entre différents métiers d'ailleurs à l'intérieur des collectifs de travail. Cette question-là vraiment acquiert une légitimité politique, elle est portée bien sûr par les analystes de la clinique du travail, j'y reviendrai, mais elle acquiert en l'occurrence un caractère reconnu socialement comme une catégorie digne de préoccupation pour les politiques publiques. Et puis l'insécurité socio-économique, ça aussi c'est un renversement de situation assez inattendu, puisque jusqu'alors, la flexibilisation du marché du travail était même un des objectifs des politiques publiques, de développer les contrats courts, la flexibilité des contrats et même aussi la flexibilité des rémunérations, etc. Et ça devient, par un renversement de regard, l'insécurité devient un facteur de risque pour la santé. Et là, on peut dire, alors évidemment, ça ne veut pas dire que les politiques de l'emploi ont renoncé, on le voit bien, elles n'ont pas renoncé à flexibiliser davantage les contrats et aggraver la précarité de l'emploi, mais quand même, ça devient un discours un peu plus, on va dire, schizophrène, hein, entre des politiques publiques qui, d'un côté, vont davantage précariser le travail, et d'autre côté, vont s'inquiéter des conséquences de la précarité et de l'insécurité sur la santé des salariés. Alors, une petite parenthèse, là, je me suis amusé, j'ai trouvé une citation de Christophe Dejour sur l'exception française. La France serait le seul pays où il y a une discussion autour du travail. Bon, quand on regarde, justement, quand on essaie de retrouver l'origine, là je m'appuie sur un article, un papier de Pascal Marie Chalard dans le bouquin coordonné par Loïc Lerouge sur les risques psychosociaux, qui est sorti récemment à Optares, où il a fait une archéologie un peu du concept de risques psychosociaux. On voit bien que ce n'est pas en France qu'on a inventé toute cette approche en termes de facteurs psychosociaux de risque. Hein. C'est en Suède, à partir des années 50. Donc, ça remonte aux années 50. Et donc Pascal-Marie Chalard dit que la recherche sur ce qu'on appelait l'approche scandinave en termes de santé mentale au travail, part de médecins, hein, de recherche médicale, qui se sont décentrés d'une approche purement médicale et physiologique des maladies, des pathologies mentales, pour essayer de creuser les interactions entre des paramètres physiologiquement quantifiables, comme par exemple la tension artérielle ou d'autres paramètres, et des troubles physiques et des facteurs liés au travail, des facteurs liés à l'organisation du travail, avec une visée politique, une visée explicitement humaniste, dit Pascal-Marie Chalard, la promotion du bien-être au travail, la qualité de vie plutôt que la productivité. Et dans cette approche, alors, quelques noms majeurs en Suède dans les années 50, hein, autour de... qui partent, là encore c'est intéressant de voir que l'école suédoise part de l'analyse du stress, y compris de modèles physiologiques du stress, notamment le modèle de Celi, pour s'ouvrir sur les sujets, le lien entre l'organisation du travail et le stress. Théorel, qui est un des principaux... Des principaux noms en la matière avec Karasek. Karasek a travaillé avec Théorel, enfin pas avec Théorel, mais a travaillé en Suède dans les années 70 et ensuite a collaboré avec Théorel à la fin des années 70 pour publier le fameux article sur le modèle demande-latitude. Donc ces questions ont été travaillées à partir d'une approche médicale, hein, mais il y a une phrase de Théorel qui est assez intéressante, amusante. Il dit: l'inclusion d'éléments biologiques dans l'analyse permettait de convaincre plus facilement la société environnante de l'importance des facteurs psychosociaux. Il y a l'idée que si on avait une approche purement sociologique ou purement qualitative des phénomènes de santé, enfin de mise en danger de la santé psychique par les facteurs organisationnels, on n'arriverait pas à convaincre, mais que si on passait par des mesures physiologiques, biologiques, on pouvait, en se mettant sous le parapluie de la science dure, entre guillemets, on pouvait percer davantage dans le débat public. Et ça a marché, ça a permis finalement en Suède d'aboutir en 77 à une loi sur l'environnement du travail, dont un des... donc qui est une loi extrêmement ambitieuse, hein, de protection de la santé au travail, et dont un des axes forts, c'est l'idée que l'employé doit avoir l'opportunité de participer à la définition de sa situation personnelle au travail et à tout processus de changement qui affecte son travail. Cette idée que la démocratie industrielle, comme on disait à l'époque, est un des éléments au cœur de la promotion de la santé mentale au travail, c'est une des idées fortes, hein, de ce courant de recherche suédois, enfin scandinave en général. qui est évidemment, donc qu'on retrouve aujourd'hui, j'y reviendrai dans, en terminant, mais qui n'est pas donc quelque chose de totalement nouveau. Alors, sur le diagnostic, pourquoi à la fin des années 90, pourquoi est-ce que c'est précisément à la fin des années 90 que ce débat sur la souffrance au travail, le stress, puis les risques psychosociaux prend cette ampleur sans précédent, on peut dire. De mon point de vue, ça renvoie à la généralisation de ce que j'appelle l'organisation néolibérale du travail, bon, avec dans les années, à la fin des années 80 et tout au long des années 90, la généralisation d'un certain nombre d'innovations dans la sphère économique, financière et productive. Donc, la financiarisation accrue de l'économie et son intériorisation par le management, la mondialisation et la centralisation des organisations qui éloignent les salariés des centres de décision, ce sentiment de dépossession, de perte de contrôle, la fréquence accrue des réorganisations au rythme des exigences des marchés financiers, le développement de nouvelles formes de terrorisme dans le domaine tertiaire, le développement des politiques de reporting permanent qui mettent sous tension les collectifs et les individus, et la peur du chômage et l'incertitude sur l'avenir qui contribuent donc à cette mise sous tension des organisations et des individus. Alors j'ai mis des guillemets parce que cette description de l'organisation néolibérale du travail, c'est pas moi qui l'ai proposée, enfin j'ai écrit là-dessus dans les années 90, mais ça c'est issu justement de ce rapport Lachman Larose Pénicaud, donc qui provient donc notamment de deux grands dirigeants du MEDEF, hein, Lachman et Pénicaud. Donc c'est dire que il y a à l'occasion, enfin à la fin des années 80, des années 2000, hein, il y a quand même une conscience assez aiguë du lien entre ces innovations économico-organisationnelles et la montée, la généralisation des risques psychosociaux au travail. Alors, ça ne veut pas dire que les stratégies de prévention qui sont mises en avant par ces auteurs sont cohérentes avec le diagnostic. Quand vous voyez les 10 propositions qui sont avancées par le rapport Lachman-Larose-Pénicaud, il n'y en a aucune qui a un rapport avec le diagnostic précédent. Hein, c'est un exemple de dissonance entre le diagnostic et les propositions qui est un cas général, hein, dans la littérature sur le travail. Il y a vraiment... Enfin, si vous lisez la plupart des bouquins qui sont sortis ces 10 dernières années, ou 20 dernières années sur les problèmes du travail et du chômage, il y a un décalage systématique entre le diagnostic qui s'appuie souvent sur ce genre de constat et les préconisations qui ignorent complètement le diagnostic. Ils ne s'attaquent pas du tout aux causes qui sont identifiées dans le diagnostic. Donc, alors, ça ne veut pas dire pour autant que ces recommandations sont complètement stupides. Hein. Je ne veux pas dire que elles n'ont aucun sens, hein, j'y reviendrai. Alors, si tu veux que j'ajoute quelque chose, ça ne veut pas dire du tout qu'elles soient appliquées le moins du monde. D'accord, chez Schneider, hein. Bien sûr. Non, mais... Le patron signe ça, et quand on va voir ce qui se passe concrètement, bien sûr. C'est encore une autre réalité. Non mais bon, là je suis dans les catégories... je travaille pas sur le réel, là je travaille sur les catégories et les représentations. Donc voilà, les recommandations dont j'ai mis en rouge celles qu'on retrouve maintenant de façon dominante dans le discours sur la qualité de vie au travail, hein, restaurer les espaces de discussion et d'autonomie dans le travail, c'est peut-être la chose la recommandation forte qui fait consensus aujourd'hui dans le discours sur la qualité de vie au travail. Bon, pour le reste, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui soit vraiment cohérent avec les diagnostics posés. Une approche critique, donc c'est plutôt celle que je défendrais moi, mais bon, voilà, qui serait cohérente avec les diagnostics posés par les auteurs, ce serait de s'attaquer à la financiarisation des entreprises, de relocaliser les centres de décision, voilà, prendre un certain nombre de mesures qui ont un rapport direct avec les innovations à la base du développement de ces phénomènes de souffrance, de risques psychosociaux, etc. Alors, dernier élément de ma présentation, c'est l'évolution récente, le glissement des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail. Et là, au risque de provoquer un peu, je dirais qu'on a, on a à nouveau la convergence de deux approches. Une approche clinique, disons, scientifique, autour, par exemple, du travail d'Yves Clos, dont le sous-titre significatif pour en finir avec les risques psychosociaux, donc il porte une critique très dure de la catégorisation même en termes de risques psychosociaux, et puis la négociation des partenaires sociaux et les politiques publiques autour de la qualité de vie au travail. Donc je dirais deux sources convergentes de disgrâce des risques psychosociaux, qui sont d'un côté la clinique de l'activité, donc qui porte une critique éthico-scientifique sur la catégorie des risques psychosociaux, et ce que j'ai appelé le travaillisme. Alors c'est peut-être c'est pas une très bonne enfin, on pourrait parler d'idéologie défensive de la part d'un certain nombre de représentants du patronat et des organisations syndicales se mettent d'accord ou trouvent un consensus pour défendre ce qu'ils considèrent comme des attaques contre le travail, un dénigrement du travail. Donc on a, on pourrait appeler ça une idéologie défensive, je ne sais pas si c'est de métier ou d'institution, mais en tout cas une critique idéologico-politique portée contre les risques psychosociaux, la catégorisation en termes de risques psychosociaux, au nom d'une idéologie défensive du travail, entre guillemets, ou d'une certaine représentation du travail. Alors, la critique des risques psychosociaux portée par Yves Clos, ou par disons, les théoriciens de l'activité, c'est une critique sur le diagnostic, c'est-à-dire est-ce que ce sont les travailleurs qui manquent de ressources pour faire face, ou est-ce que ce sont les organisations qui manquent de ressources pour permettre aux travailleurs de faire un travail de qualité? Ça, c'est la question que pose Yves Clos. Et la réponse qu'il apporte, bien sûr, c'est pas le problème, c'est pas les travailleurs, ce sont les organisations. Moi, le problème que je vois à cette critique, c'est que il manque sa cible. C'est-à-dire qu'il critique les approches en termes de stress, effectivement, qui étaient des approches où c'était le désajustement du travailleur qui était au centre. Mais il manque le fait qu'entre le stress et la problématisation des risques psychosociaux, il s'est passé quelque chose. Et il en est resté à une critique de l'approche, de mon point de vue, à une critique de l'approche en termes de stress, sans voir tous les progrès qui avaient permis le développement de la conceptualisation des risques psychosociaux. La stratégie de prévention qui découle, selon Yves Clos, de la catégorisation des risques psychosociaux, ce serait la revendication de la reconnaissance de la souffrance au travail. Alors qu'il faudrait bien plutôt, selon lui, construire une stratégie autour du travail bien fait. Là encore, je pense que l'attaque manque sa cible, c'est-à-dire que la construction scientifico-politique autour des risques psychosociaux ne débouche pas du tout sur l'idée qu'il faudrait reconnaître la souffrance au travail et l'indemniser. Elle débouche en tout cas potentiellement sur des critiques beaucoup plus profondes, voire même radicales, des modes modernes d'organisation du travail. Donc associer, comme le fait Yves Clos, les RPS à un despotisme compassionnel et un hygiénisme gestionnaire, c'est, il me semble encore, louper la cible, c'est prendre les politiques déployées par les entreprises, les politiques de gestion du stress, c'est assimiler les politiques de gestion du stress déployées par les entreprises, effectivement, qui sont des politiques qu'on peut appeler d'hygiénisme gestionnaire, les assimiler à une catégorisation en termes de risques psychosociaux. Donc je pense qu'il y a une critique qui est portée à la catégorie de RPS et à ce travail d'élaboration qui, de mon point de vue, manque sa cible et, en fait, renforce l'autre critique, ce que j'appelle la critique travailliste, qui s'insurge contre le discours dit misérabiliste sur le travail, qui est perçu comme un dénigrement du travail par les chefs d'entreprise et par un certain nombre de représentants syndicaux. avec une insistance sur l'idée, par ailleurs tout à fait juste en soi, que le travail est potentiellement une source de construction de la santé et que donc il faut valoriser les aspects positifs du travail et non pas systématiquement dénigrer les aspects négatifs. Et en plus, l'idée, en s'appuyant sur l'idée que la santé des salariés est non seulement leur intérêt à eux, mais c'est aussi l'intérêt de l'entreprise, puisque des études auraient démontré que les salariés en meilleure santé sont aussi source de profit et de performance pour l'entreprise. Voilà. Voilà un peu le discours qui est aujourd'hui repris dans l'accord qualité de vie au travail de 2013, accord donc national interprofessionnel, qui a été signé, qui n'a pas été signé par la CGT et Force ouvrière, mais par les autres organisations, les trois autres organisations représentatives au plan national, et qui ne dit pas un mot des risques psychosociaux. C'est-à-dire c'est un accord sur la qualité de vie au travail qui évoque de façon furtive les questions d'organisation du travail, mais qui ne cite pas une seule fois le terme risques psychosociaux au travail. Et donc, il se revendique les acquis des accords nationaux interprofessionnels sur le stress au travail, sur le harcèlement et la violence au travail. Donc on remet hein, dans la moulinette, on remet au goût du jour, enfin on recycle ces concepts de stress, de harcèlement, de violence, etc. Et on efface complètement l'avancée conceptuelle qui avait été faite avec le travail sur les risques psychosociaux, puisqu'il disparaît donc zéro occurrence de ce terme dans l'accord. Deux occurrences du terme santé, quatre occurrences du terme compétitivité, sept occurrences du terme performance. Hein, donc on a un accord très clairement centré sur la performance, la compétitivité. Avec, je signale, en passant, parce que c'est pas fondamental, mais quand même 4 pages sur 15, c'est-à-dire plus du tiers de l'accord, qui est consacré à un thème ô combien consensuel, qui est l'égalité professionnelle, hein, avec un degré de détail, l'égalité professionnelle et la conciliation entre travail et vie familiale, qui, à un moment donné, on peut se demander si ce n'est pas utilisé justement pour voilà, créer du consensus. Donc, dans cet accord, ce qu'il y a d'important dans cet accord, c'est deux choses. C'est d'abord l'idée que la négociation sur la qualité de vie au travail pourra, c'est la grande idée de la simplification, hein, donc l'idée, la négociation pour la qualité du travail pourra regrouper un certain nombre de négociations obligatoires. On ne dit pas lesquelles, mais enfin, parmi les différentes négociations obligatoires, celles qui participent de la démarche de qualité de vie au travail. Donc, dit comme ça, et puis, comme vous avez vu, la qualité de vie au travail, c'est quelque chose de tellement flou et de tellement général. Hein, vous voyez la définition, là, elle fait 6 lignes, mais il est difficile d'en tirer quelque chose de très clair. Donc, en gros, ça veut dire que dans le cadre de l'expérimentation sur la qualité de vie au travail, on peut regrouper toutes les négociations en une seule. Sur les salaires, l'emploi, l'égalité professionnelle, etc. Et puis, deuxième point important, c'est la possibilité d'expérimenter. Alors, c'est une possibilité, ce n'est pas du tout une obligation pour les entreprises, mais une possibilité d'expérimenter les espaces de discussion des salariés sur leur travail, la qualité des biens et services qu'ils produisent, et les conditions d'exercice du travail et l'efficacité du travail. Et dernier avatar, je veux dire, de ce que je qualifierais à titre personnel de régression intellectuelle et politique, c'est le plan santé-travail 2015-2019, qui se base, ça c'est une nouveauté très intéressante du point de vue analytique, sur un texte de consensus, alors qu'il n'est pas encore public, je crois. Si, si. Il est public ? Si, si, les textes du COCT. Oui. Oui, il est public. Il est public, d'accord. Celui du 27 janvier. Oui. Ouais. Un texte de consensus des partenaires sociaux, donc, alors là, pour le coup, signé par l'ensemble des organisations patronales et syndicales, qui stipule que plutôt qu'énumérer les risques du travail, le PST3 devrait promouvoir le travail en faisant en sorte que celui-ci soit un facteur de santé. Donc on retrouve cette idée qu'il faut positiver et que il y en a assez de parler des risques, il faut parler du travail comme facteur constructeur de la santé, faire de la prévention. Alors les grands axes, c'est faire de la prévention primaire une priorité, prévenir la désinsertion professionnelle, faire de la qualité de vie au travail un enjeu stratégique, simplifier pour une plus grande efficience des règles de prévention et prioriser certains risques. Et donc, alors on pourrait dire, ça y est, les risques psychosociaux ont complètement disparu du plan santé-travail 2015-2019. Eh bien, non, parce qu'on les retrouve, ils sont rentrés quand même par la fenêtre. Dans la catégorie, donc c'est la cinquième priorité et la dernière priorité du plan, il y a quand même certains risques qui sont cités, donc les risques récurrents, chute de hauteur et de plein pied, produits cancérigènes, risques psychosociaux. Paf, ça ressort. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'en est absolument pas question dans tout le reste du texte, hein, à aucun moment. Mais à un moment donné, paf, ça ressort, risques psychosociaux, ça voilà, c'est très surprenant quand on lit le texte, il n'en est absolument pas question, toute la problématique est celle de la qualité de vie au travail, et tout d'un coup, paf, ça ressort. Nanomatériaux, pratiques addictives, maladies cardiovasculaires. Alors, on pourra discuter avec Alain notamment, j'en ai un peu parlé avec différents acteurs de pourquoi est-ce que ça ressort les risques psychosociaux là. Donc, Alain, tu confirmeras sans doute, mais deux syndicats, donc CGC et CGT, ont dit quand même, on ne peut pas passer complètement les RPS à la trappe. Il faut quand même que ça apparaisse quelque part. Et, apparemment, ce que m'a dit un haut responsable de l'ANACT, c'est qu'effectivement, du point de vue du ministère du Travail, c'était effectivement difficile de faire complètement disparaître la catégorie de l'accord. Que donc, elle est ressortie de cette façon. Bon, en conclusion, le débat, si je voulais synthétiser le débat, je partirais du titre du dernier bouquin de Christophe Dejour, Le choix. Souffrir au travail n'est pas une fatalité. Alors moi, je mets un point d'interrogation. Alors je pense que les approches en termes de qualité de vie de travail ne sont pas totalement futiles. C'est-à-dire que le rôle du management, c'est pas négligeable. Il y a des déterminants macro, institutionnels, politiques, économiques que j'ai évoqués, qui sont extrêmement puissants et qui expliquent fondamentalement l'ampleur des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. C'est pas pour autant que le rôle du management et des politiques de prévention, même à l'intérieur de ce système, disons, cette organisation néolibérale du travail, sont sans effet. Donc je ne veux pas rejeter comme insignifiant toutes les approches curatives, je dirais, du problème de la souffrance au travail ou des risques psychosociaux au travail. Je pense que le rôle du management est important, et bon, je citerai juste une étude récente qu'on a publiée avec Nicolas Sandré sur pilotage du travail et risques psychosociaux, où on a pu observer à l'aide de l'enquête sommaire que les entretiens individuels d'évaluation, dans le cas où ils étaient réalisés à partir de critères jugés précis et mesurables par les personnes évaluées, par les salariés, ont un rôle protecteur de la santé, enfin un rôle protecteur des risques, enfin, par rapport aux facteurs de risque psychosociaux, hein, et aussi par rapport à la santé, in fine. Disons, on s'aperçoit, on voit assez clairement sur les statistiques que les salariés qui bénéficient, entre guillemets, d'entretiens individuels d'évaluation fondés sur des critères précis et mesurables, d'ordre qualitatif, sont en meilleure santé mentale que les autres, de façon assez nette. Par contre, ceux qui ont des objectifs chiffrés, là, on connaît une dégradation, enfin, c'est associé à une dégradation très substantielle de la santé mentale, puisqu'on a des odds ratios de 1,50, 1,60 sur le risque, enfin, un risque accru de 50 à 60% de dépression, par exemple, pour les salariés soumis à des objectifs chiffrés. Et les entretiens individuels d'évaluation modèrent l'impact négatif des risques, des objectifs chiffrés, mais ne l'annule pas du tout. Donc, quand on fait... Ça soulève d'ailleurs le débat sur l'évaluation individualisée, hein, très stigmatisée par Christophe Dejour et de façon, me semble-t-il, trop rapide. on pourra revenir dans le débat. Ensuite, malgré tout, si, même si le management joue un rôle important, on ne peut pas ignorer les déterminants macro-sociaux dont les effets sont omniprésents. Et d'abord, au premier chef, l'instabilité du management. C'est-à-dire que vous pouvez faire toutes les interventions sociaux, psycho-organisationnelles que vous voulez dans les entreprises d'aujourd'hui. Vous allez peut-être aboutir à des résultats à court terme, mais l'instabilité des équipes managériales est telle que ce que vous avez réussi à faire pendant un an ou deux sera balayé avec la prochaine équipe. Et donc, voilà, on peut, je ne dis pas que c'est totalement insignifiant d'intervenir dans les organisations, mais pour que ça fonctionne durablement, il faudrait qu'il y ait une stabilité des organisations. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas, nulle part, y compris dans le secteur public. Bon, à cela s'ajoute bien sûr la pression des actionnaires, les objectifs chiffrés, l'insécurité, etc. Donc, voilà, très grand doute sur la durabilité des impacts des interventions sur le travail. Et puis, plus fondamentalement, la question des rapports de propriété. L'accord QVT rappelle que l'organisation du travail est de la seule responsabilité de l'employeur. Donc, comment développer la question de la démocratie au travail qui est... Alors là, il y a un consensus entre les approches en termes de facteurs psychosociaux de risque et les approches en termes de clinique de l'activité. Il y a un consensus pour dire que la question de la démocratie au travail, c'est la question clé pour la prévention des atteintes à la santé mentale. Comment poser cette question-là si on reconnaît a priori que l'organisation du travail est de la seule responsabilité de l'employeur? Comment poser la question de la démocratie au travail à l'intérieur du rapport de propriété structuré de cette façon? Voilà. Voilà où j'en suis. Merci beaucoup, Thomas. Donc, voilà, on ouvre la discussion sur des questions, des remarques. Oui, Alain Carré. Il y a un point peut-être que tu n'as pas évoqué dans l'histoire du concept, en tout cas de l'intérêt pour les questions de santé mentale au travail. C'est, l'intégration dans l'ergonomie de ces questions. Quand j'étais en dehors d'ergonomie chez Wissner, en 85-87, nous avions, dans le cadre du DEA, des interventions de Doré et de deux jours. C'est-à-dire, en fait, puis il y a des écrits du Rafour aussi qui donnent accès. Je pense que ça, c'est quelque chose qui manque dans le début de ton exposé, dans l'historique. Hein. C'est-à-dire que la question de la santé mentale est intégrée dans l'ergonomie. Ça me paraît très, très, très important. Donc il y a toute une école ergonomique qui va s'intéresser à ces questions-là. C'est pour ça que ça perdure, je pense, encore. Oui. Et le deuxième point que je voulais soulever, c'est la question qui a été soulevée par Philippe, c'est-à-dire en fait, dès lors qu'on décrit les mécanismes qui sont à l'origine des manifestations mentales, de santé mentale liées à l'organisation du travail, derrière, il y a une double schizophrénie, c'est-à-dire qu'en fait, les ressources, les solutions qu'on met en face n'ont pas de rapport. Et ensuite, Philippe a tout à fait raison, elles ne sont même pas appliquées. C'est-à-dire, en fait, il y a une sorte de question qui se pose. Est-ce qu'il s'agit d'une véritable analyse, loyale, ou bien est-ce qu'il s'agit d'un processus d'enfumage? Moi, comme syndicaliste, je suis plutôt du côté de l'enfumage. Je me méfie énormément, par exemple, dès lors que le patronat va nous faire un accord QVT, je suis assez dubitatif par principe. Donc ensuite, je regarde de plus près, puis je m'aperçois que, bien sûr, en fait, sur le terrain, il n'y a rien qui se fait. Enfin, on continue à exploiter les gens jusqu'à la corde. La définition de Golac est tout à fait consensuelle maintenant. Quand on intervient avec la représentante du patronat, personne ne... personne ne proteste du côté, disons, patronal, une définition qui finalement porte sur les aspects physiques, mentaux, sociaux, quand même. Hein. C'est assez large comme définition. Sauf que dans l'application, ça ne fonctionne pas. Par exemple, quand on discute des TMS, la question des RPS, qui est évidemment extrêmement liée, est niée par nos partenaires. Donc c'est quand même, il y a une position qui est assez paradoxale, on n'arrive pas à franchir le pas, quand on parle des TMS, de leur lien extrêmement étroit à ce qu'on appelle les RPS. Et puis j'avais une dernière remarque, c'était sur les évaluations individuelles. Quand j'étais médecin du travail, moi j'avais demandé, première fois on a mis en place l'évaluation individuelle, que les critères soient justes et justes. C'est-à-dire en fait qu'ils soient du côté de la justesse, c'est-à-dire que les critères qui étaient choisis pour l'évaluation soient des critères réellement acceptés par les opérateurs, première chose. Et deuxième chose, que le système d'évaluation soit capable de discriminer justement, c'est-à-dire que disons, si on classe un collègue, on voit un collègue classé avant soi, ce soit normal. Quoi. Je veux dire que la reconnaissance, que ça aille avec la reconnaissance des salariés les uns avec les autres. Et puis le dernier point, j'arrêterai là, c'est la question du poids excessif, enfin massif, de l'insécurité. De l'insécurité sociale à l'heure actuelle, que ce soit pour ça ou pour les autres questions de santé au travail. Quand on fait de la formation de membres de CHSCT, pour mon organisation en l'occurrence, le gros problème, c'est que de plus en plus, ils sont, disons, complètement, disons, omnubilés par la question de la négociation de la force de travail. Ils ne sont plus dans la question, ils n'ont plus de base susceptibles de les aider à progresser en matière de santé au travail. Donc ça, je pense qu'il faut absolument le dire, quel que soit l'objet qu'on va observer en termes de santé au travail, le poids de l'insécurité socio-économique est extrêmement prégnant, et donc à la limite, on a beaucoup de mal à maintenir le thème dans le champ social. Voilà. Et peut-être, c'est une hypothèse, peut-être est-ce que ça explique la frilosité des grandes organisations, disons, représentatives, ouvrières, sur ces points-là. C'est-à-dire, ils sentent très bien qu'il y a quelque chose qui dérape au niveau des questions de santé au travail, c'est-à-dire la mobilisation des travailleurs. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Peut-être avant que tu répondes, Thomas, on prend une série, il y avait une autre. Ouais. Présentez-vous juste pour le... Bonjour, je suis psychologue du travail. Et j'ai suivi d'ailleurs les enseignements d'IFLO et de Christophe Dejour. Alors, vous commencez votre démonstration sur la séquence du harcèlement, stress, RPS, qualité de vie, et puis la question c'est et maintenant. On entend beaucoup parler actuellement du mouvement autour du livre d'Isaac Gates sur les entreprises libérées. J'aimerais savoir, quand je pense que vous attendiez à avoir cette question, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, puisque je reviens sur ce sur quoi vous avez terminé, c'est-à-dire la centralité de la question du bien-être au travail et la santé, et de reconjuguer le bien-être et la productivité. On retrouve aussi ce que peut démontrer Plo sur la volonté de l'homme à vouloir faire du bon boulot et toutes les mises en tension pour pouvoir y parvenir. Et quelques discussions autour des critères, enfin de ce que dit Christophe Dejour autour de l'évaluation, de la discussion sur l'évaluation, d'avoir effectivement des critères précis qui sont discutés, mais de ne pas avoir d'évaluation arbitraire, avec tout le discours autour de qui vérifie la qualité du travail, est-ce que ce ne serait pas aux mains de celui qui fait de le faire plutôt que d'instances dirigées par des questionnaires. Je voulais avoir votre point de vue sur et maintenant et après, est-ce que c'est pas ça? D'autres. Oui. Oui. G7, CGT. Je voudrais intervenir sur deux points. Premièrement, la démocratie au travail. Ça empoisonne beaucoup les débats au niveau des syndicats. Parce que comment concevoir une entreprise démocratique alors qu'elle est basée sur le lien de subordination et sur le droit de propriété? Je crois que c'est l'illusion démocratique du travail. tant que le patron a le pouvoir dans l'entreprise, je ne vois pas comment l'entreprise peut être démocratique. Surtout qu'actuellement, l'entreprise est basée sur les notions de compétitivité et de concurrence. C'est ça qui est l'axe de l'organisation du travail de l'entreprise. Et c'est bien le patron qui dirige. Donc, pour moi, c'est un problème. Et on voit au niveau européen, et même au niveau mondial, ce que ça donne, c'est que dans l'évolution des choses, nous voyons qu'il y a tout un débat entre la normalisation, la norme, et les lois. Et on s'aperçoit que dans l'évolution actuelle du capitalisme, on donne la prime à la norme par rapport à la loi. La norme va remplacer la loi. Et il y a une norme qui est le summum des normes, c'est l'ISO 26000. Ou encore, on met dans la perspective de l'évolution du capitalisme, c'est l'entreprise qui devient le centre de la société et celle qui organise la société. Alors que les lois deviennent de plus en plus évanescentes. Et on voit la traduction, par exemple, dans le langage de la Commission européenne sur la communication, la simple communication sur la stratégie santé-travail 2015-2020, où, en fait, elle est centrée sur deux choses, sur REFIT, c'est-à-dire la régulation qui est une dérégulation, et sur la simplification avec la diminution des charges administratives de l'entreprise. Et après, on habite ça pour faire passer les choses en parlant de la prévention des risques. Et c'est tout à fait la structure de PST3. C'est-à-dire qu'on a une coquille, on vous met la coquille, on vous met des belles choses pour faire passer ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Il y a un vitage de la coquille. Hein? Dernier point, j'ai participé à la négociation européenne sur violence au travail. Et effectivement, il y a une ambiguïté dans cet accord, parce qu'il y a les deux notions. Il y a la notion qui est défendue par le patronat, qui est que c'est l'individu qui est malade. C'est l'individu qui porte la charge des risques psychosociaux. Et l'attitude syndicale qui est de dire, non, il y a le problème de l'organisation du travail qui a une certaine responsabilité dans ces risques, qui sont d'ailleurs très mal dénommés, parce que risques psychosociaux, pour moi, ça ne veut strictement rien dire, à moins de rattacher le risque à l'individu. Et moi, j'aime mieux la définition que je donne, qui est peut-être la moins des pires, qui est le risque d'atteinte de la santé dû au management et à l'organisation du travail, qui fixe bien les responsabilités. Et ce qui veut dire aussi, c'est que le travail... Vous avez parlé des deux approches, l'approche technique d'activité et l'approche travailliste. Mais en fait, ces deux approches, telles que vous les décrivez, sont de mécanismes, sont pas dialectiques. Or, le travail comporte aussi bien des facteurs de destruction de la santé que des facteurs de construction de la santé, des facteurs d'alignation et des facteurs d'émancipation. La question est de savoir comment on va construire le travail pour que les facteurs d'émancipation deviennent plus importants que les facteurs de destruction. Merci. Oui. Juste une question sur la conclusion. Vous dites que l'approche par les facteurs de risques psychosociaux permet de poser la question de la démocratie finalement dans l'entreprise. Mais est-ce que c'est pas l'inverse? Est-ce que c'est pas l'approche qualité de vie au travail qui sort de la juridiction, qui sort de la réglementation, qui permet de prendre ou de ne pas prendre, et donc de laisser en fait toute la décision aux mains de l'employeur? C'est pas tellement l'approche risque psychosociaux qui permet la démocratie, c'est que sortir de l'approche réglementaire, sortir de l'approche d'obligation générale de sécurité, c'est déresponsabiliser l'employeur d'une certaine manière de ses risques et de lui proposer une alternative qui prend ou qui ne prend pas, et donc de privilégier finalement, effectivement, le pouvoir de l'employeur sur la santé des salariés. Peut-être une dernière question alors, et puis après on te laissera peut-être répondre, quitte à ou on fera une deuxième vague, mais je voudrais revenir sur la catégorie RPS en fait, où tu as l'air de dire dans ton intervention, et j'ai l'impression que ça va être un des points de débat d'aujourd'hui, que ça a permis justement un certain progrès dans la mise en débat de ces questions-là, etc. Alors j'aimerais que tu précises un petit peu sur qu'est-ce qui pour toi a été positif justement dans cette requalification des questionnements autour de la catégorie RPS. Est-ce que c'est... Souvent, il me semblait qu'un des éléments importants, mais justement, qui avait été, comme disait Alain Carré, insuffisamment pris en compte après dans les pratiques, c'était cette intégration justement de l'ensemble des conséquences physiques, sociales, psychologiques, sous cette définition-là, et qu'il y avait bien les effets de l'organisation du travail, mais en gros, on allait prendre l'ensemble des conséquences, à la fois psychologiques, mais pas seulement psychologiques, mais aussi physiques. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est d'autres séries de facteurs? Et puis, donc voilà, repréciser un petit peu ce qui pour toi était important dans cette période-là et qu'est-ce qu'on a perdu aujourd'hui avec le glissement vers ces questions de qualité de vie au travail, etc. Oui. Pas de remarques, c'est pas vraiment des questions. Mais peut-être on laisse, ouais, on laisse, bon, peut-être, ouais, et puis après on voit si. Ouais. Oui, donc ce que dit Alain, je suis parfaitement d'accord. J'ai fait vraiment très très. À la hache, il me semblait que c'est, enfin, voilà, mais sur les interventions publiques, enfin voilà, j'ai focalisé sur ce qui m'avait apparu dans l'espace public comme première mise en discussion de ces questions-là. J'ai retrouvé ces interventions de 90 sur EDF, mais c'est certainement pas les premières, mais peut-être même pas les plus importantes. Donc ça, il faudrait bien sûr creuser sur le les entreprises libérées. Alors, moi, je trouve ça très bien. Ça prouve qu'il y a des patrons. On ne fera pas de changement social important s'il n'y a pas une partie de la classe dirigeante qui se rend compte que l'approche dominante ne va pas. Quoi. Donc, qu'il y a des patrons qui commencent à se dire c'est plus possible de fonctionner comme ça. Il faut qu'on trouve des modes de fonctionnement alternatifs qui donnent plus la main aux salariés et qui leur permettent de s'épanouir au travail. Je trouve ça excellent. Ensuite, bon, est-ce que ça peut se généraliser? Est-ce que ça peut devenir le mode d'organisation dominant, ce qui serait nécessaire pour qu'on puisse parier là-dessus comme une solution, comme une alternative, disons, à l'organisation néolibérale du travail? Ça, j'ai énormément de doutes, hein, puisque bien sûr ça supposerait un changement très très radical des formes de propriété aujourd'hui, puisque la propriété des entreprises, elle est massivement le fait de grandes institutions financières et pas de petits patrons philanthropes ou progressistes comme ceux qui se lancent dans ces initiatives très intéressantes et très les alliances entre le patronat progressiste et le mouvement ouvrier, ça a été des moments importants de réforme et de conquête sociale. Mais s'il n'y a pas des basculements plus généraux, ça ne suffira pas. Vu, je le répète, le degré de concentration aujourd'hui de la propriété, concentration financière de la propriété des actifs économique dans nos sociétés. On est dans un degré de concentration de la propriété sans équivalent dans l'histoire du capitalisme aujourd'hui. Alors, sur l'antagonisme entre la démocratie au travail et les droits de propriété, ce que tu as appelé l'illusion démocratique, ben oui, je suis absolument d'accord, hein, c'est ce que j'ai essayé d'illustrer, enfin de dénoncer en conclusion. Et alors, l'intérêt... je te réponds aussi, l'intérêt majeur de la catégorie de risques psychosociaux, c'est qu'elle légitime le débat sur cette question-là, cette question, de mon point de vue, elle légitime le débat sur la question des droits de propriété, l'exercice des droits de propriété aujourd'hui dans l'entreprise. Puisque, quand même, la montée, la mise en visibilité du caractère catastrophique pour la santé mentale et physique, hein, donc là, il n'y a pas d'ambiguïté, ce n'est pas une question uniquement de santé mentale. Hein, les TMS, les problèmes cardiovasculaires, etc., tout ça est très documenté, il n'y a même pas de controverse là-dessus. Le caractère de crise de santé publique, hein, puisqu'on n'est plus seulement... seulement dans des phénomènes marginaux, on pourrait dire, liés à certaines catégories particulièrement exposées de la population salariée. On est sur un phénomène qui touche l'ensemble de la population salariée à des degrés divers et avec des possibilités de réversibilité. Bon, quand on observe les enquêtes, par exemple, notre enquête, alors c'est une parenthèse, l'enquête santé itinéraire professionnelle nous montre que les situations d'exposition aux facteurs psychosociaux de risque sont moins permanentes que les situations d'exposition au risque physique ou chimique. Donc, on peut en sortir et y revenir, mais on peut en sortir plus facilement que des situations d'exposition à des risques chimiques ou physiques, parce que ça, c'est lié à des métiers, à des professions particulières. Quand vous êtes ouvrier du bâtiment, bah, vous ne pouvez pas échapper aux expositions à l'amiante ou à un certain nombre de produits. Bon. Mais l'exposition aux facteurs psychosociaux de risque, on peut y rentrer et en sortir de façon, pas très facile, mais de façon relativement fréquente par rapport donc, aux expositions physiques chimiques, ce qui fait que les effets... D'autre part, les effets sont relativement réversibles, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'extrait d'une situation de forte exposition, sa santé s'améliore relativement vite. Et s'il n'a pas fait un infarctus, et s'il n'est pas entré dans une dépression, il peut aller vraiment mieux. Alors évidemment, s'il y a des atteintes irréversibles, bon, c'est trop tard. Mais voilà, donc c'est des phénomènes un peu différents. Mais malgré tout, l'impact sur la santé physique, il est réel et potentiellement durable si l'exposition est prolongée. Donc ça, controversé. Ça, hein. Effectivement, le MEDEF n'accepte pas de le reconnaître dans les tableaux de maladies professionnelles. Donc ça, c'est un blocage financier. Mais du point de vue de la controverse, c'est même plus discuté. Il n'y a pas de désaccord là-dessus. Donc ça, c'est effectivement une des avancées de la conceptualisation, mais je crois que plus fondamentalement, l'avancée principale de la conceptualisation en termes de RPS, c'est la mise en débat de ces questions d'insécurité socio-économique et, le conflit éthique, mais derrière les conflits éthiques, il y a la question de la démocratie. Hein, c'est-à-dire, qui décide, pourquoi je fais mon travail, à quoi il sert, et si on m'impose de faire un travail qui va contre ma conscience professionnelle ou contre mes conceptions éthiques élémentaires, ça détruit ma santé. Et donc, ça pose des problèmes qui sont des problèmes de santé publique et qui mettent en question la légitimité non seulement des modes de management actuels, mais peut-être plus fondamentalement des droits de propriété au sens du monopole de l'employeur sur la détermination. Sur la conception de l'organisation du travail. Donc on voit bien que le développement de l'approfondissement de la conceptualisation en termes de risques psychosociaux a commencé à faire émerger ce débat. Et la qualité du travail vise alors à le refermer. Refermer le débat sur l'organisation, qui conçoit l'organisation et quelles sont les finalités du travail, pour revenir sur des choses comme les salariés doivent pouvoir s'épanouir au travail, mais de façon... Alors, évidemment, on peut dire la brèche, il y a une petite brèche sur les espaces de discussion. Bon, mais là encore, le degré de réalisation, de concrétisation de cette brèche me laisse... Enfin, on verra bien dans les enquêtes si ça se développe, mais pour l'instant, on a peu on a peu d'indices que ça se développe réellement dans les entreprises. Cette idée qu'on va mettre en débat le travail. D'ailleurs, oui, l'accord dit Donc, discussion sur le travail, sur la qualité des biens et services, et sur les conditions d'exercice du travail, et sur l'efficacité du travail. Donc, on peut discuter de la qualité, mais la qualité, là, ah oui. Donc, c'est pas sur les critères de la qualité, c'est sur la qualité. Bon, on peut espérer que les salariés ou les organisations syndicales pourront s'emparer de ce débat sur la qualité pour poser la question des critères de la qualité. Mais c'est loin d'être évident. En tout cas, voilà, moi, il me semble que l'avancée majeure qui est permise par cette conceptualisation, c'est d'ouvrir le débat et de remettre cette question de qui détermine les critères de la qualité du travail et de qui détermine les finalités du travail comme une question majeure pour la prévention des atteintes à la santé et comme une question finalement de santé publique. Et ça, c'est quelque chose, c'est une avancée majeure hein, du point de vue politico-scientifique, puisque c'est le terme. Qu'il y ait eu à un moment donné un consensus, même provisoire, parce qu'aujourd'hui il est en recul, mais qu'il y ait eu à un moment donné un consensus pour identifier, comme dans le rapport Pénicaud-Lachmann, Larose, pour identifier l'organisation néolibérale du travail comme un des. Enfin, comme le cadre structurel du développement de la souffrance au travail et pour mettre en débat les questions d'organisation du travail, qu'il y ait eu à un moment donné une cristallisation d'un consensus, ou en tout cas d'une légitimité de cette approche-là, c'est, il me semble, très important. C'est un point d'appui très important pour l'avenir, même si aujourd'hui, il y a un recul peut-être temporaire, parce que, enfin, de mon point de vue, manifestement, les approches en termes de qualité de vie au travail vont faire flop, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, véritable outil là pour s'attaquer au problème. Oui, alors est-ce que c'est l'approche en termes de facteurs de risque psychosociaux qui permet d'inclure de poser la question de la démocratie, ou est-ce que c'est l'approche en QVT qui permet de l'exclure? En termes de QVT qui permet d'exclure, je dirais les deux, mais je pense pas que, parce que si votre idée c'est que c'est la réglementation, l'action publique, la réglementation publique qui va permettre de résoudre, de combattre efficacement les atteintes à la santé au travail dans la période actuelle, je crois pas. Je pense qu'on a un problème plus fondamental. On voit bien aujourd'hui l'action publique, la politique du travail, mais c'est une des facettes mineures d'ailleurs de l'action publique. Elle n'est plus en mesure de poser les vraies questions et d'apporter de vrais remèdes. Donc on a un besoin y compris d'ailleurs l'action publique. Vous voyez, le plan santé au travail numéro 3, il n'est plus écrit par l'État, mais il est écrit par les partenaires sociaux, entre guillemets, à l'unanimité. C'est même inquiétant, d'une certaine façon. Il y a quelque chose d'un peu effrayant. L'unanimité des partenaires sociaux se sont mis d'accord pour écrire à la place de l'État un plan santé-travail qui marque quand même, enfin, d'un point de vue, un recul important dans la façon dont les choses avaient avancé sur la période récente. Donc est-ce que l'État peut nous sortir de la situation? Est-ce que les politiques publiques peuvent nous sortir de cette situation-là? Je suis pas sûr. Hein. Il y a aussi un désarmement intellectuel et politique de l'État aujourd'hui face aux problèmes qui sont posés, qui est considérable. Hein. Un désarroi, je dirais, des élites administratives qui est absolument abyssal. Quoi. Donc, mais j'étais frappé, bon, ça c'est tout à fait off, hein, mais j'étais frappé à une réunion de l'ANSP, enfin, de interadministrative de lancement. Parce que bon, l'administration maintenant doit écrire le plan santé-travail numéro 3. Donc on se réunit entre administrations pour dire comment est-ce que l'administration va écrire ce plan santé-travail sur la base du texte produit par les partenaires sociaux. Mais il n'y a pas du tout, dans les acteurs administratifs qui sont autour de la table, il n'y a pas le moindre regret sur le fait que finalement l'État se dépossède d'un outil. Quoi. C'est comme si on n'avait rien appris de la question de l'amiante, hein, tu vois, finalement. C'est comme si on pouvait remettre aux partenaires sociaux, entre guillemets, on pouvait remettre au jeu de la négociation et du paritarisme les politiques de santé travail. On a finalement rien appris du scandale de l'amiante. Hein. Là, on est en train de refaire la même chose, c'est-à-dire de redonner les clés du camion de la politique de santé au travail aux partenaires sociaux. Mais alors, à l'unanimité, cette fois-ci, tu vois, c'est là qu'il y a un côté angoissant.